Vous n'avez pas exécuté le marché, répondit Crevel, redevenant commerçant. Ah, vous voulez que le baron Hulot sache bien que vous lui prenez sa maîtresse pour avoir votre revanche de l'enlèvement de Josepha. Rien ne me prouve mieux votre bassesse. Vous dites aimer une femme, vous la traitez de duchesse, et vous voulez la déshonorer. Tenez, mon cher, vous avez raison. Cette femme ne vaut pas Josepha. Cette demoiselle a le courage de son infamie, tandis que moi, je suis une hypocrite, qui devrais être fouettée en place publique. Hélas, Josepha se protège par son talent et par sa fortune. Mon seul rempart à moi, c'est mon honnêteté. Je suis encore une digne et vertueuse bourgeoise. Mais si vous faites un éclat, que deviendrai-je? Si j'avais la fortune encore, passe. Mais j'ai maintenant tout au plus 15 000 francs de rente, n'est-ce pas? Beaucoup plus, dit Crevel. Je vous ai doublé depuis 2 mois vos économies dans l'Orléans. Eh bien, la considération à Paris commence à 50 000 francs de rente. Vous n'avez pas à me donner la monnaie de la position que je perdrai. Que voulais-je? Faire nommer Marneffe chef de bureau. Il aurait 6 000 francs d'appointement. Il a 27 ans de service. Dans 3 ans, j'aurai droit à 1 500 francs de pension, s'il mourait. Vous, comblé de bonté par moi, gorgé de bonheur, vous ne savez pas attendre. Et cela dit aimer, s'écria-t-elle.